L'art de lire par Émile Faguet de l'Académie française. Avant-propos. On lit très peu, disait Voltaire, et parmi ceux qui veulent s'instruire, la plupart lisent très mal. De même, un épigrammatiste inconnu, du moins de moi, disait, au commencement, je crois, du XIXe siècle, « Le sort des hommes est ceci, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le sort des livres, le voici, beaucoup d'épelés, peu de lus. » Savoir lire, on le sent, est donc un art. Il y a un art de lire. C'est à quoi songeait Sainte-Beuve quand il disait « Le critique n'est qu'un homme qui sait lire et qui apprend à lire aux autres. » Mais en quoi cet art consiste-t-il ? Je crois que nous voilà tous embarrassés. Un art se définissant d'après le but qu'il se propose, nous avons sans doute à nous demander pourquoi nous lisons. Est-ce pour nous instruire ? Est-ce pour juger des ouvrages ? Est-ce pour en jouir ? Si c'est pour nous instruire, nous devons lire très lentement, en notant, plume en main, tout ce que le livre nous apprend, tout ce qu'il contient d'inconnu pour nous. Et puis, nous devons relire, très lentement, tout ce que nous avons écrit. C'est un travail très sérieux, très grave, et où il n'y a aucun plaisir si ce n'est celui de se sentir plus instruit de moment en moment. Est-ce pour juger des ouvrages ? En d'autres termes, est-ce lire en critique ? Tout de même, il faudra lire très lentement, en prenant des notes et même en notant sur fiches, fiches relatives à l'invention, aux idées nouvelles, fiches relatives à la disposition, au plan, à la manière dont l'auteur conduit ses idées ou conduit son récit, ou mêle ses idées à son récit, fiches sur le style, sur la langue, fiches de discussion enfin, c'est-à-dire sur les idées de l'auteur comparées aux vôtres, sur son goût comparé à celui que vous avez, sur ses idées encore et son goût, comparés à ceux de notre génération ou à ceux de la génération dont il était, etc. De toutes ces fiches, vous constituez l'idée générale que vous vous faites de l'auteur et les idées particulières que vous avez sur lui, et vous n'avez plus qu'à rattacher logiquement ou vraisemblablement ces idées particulières à cette idée générale, pour faire, sinon un bon article, du moins un article qui se tienne. Seulement, vous aurez appris à votre lecteur à lire en critique, et non pas à lire pour jouir de sa lecture, et peu s'en faut que le mot de Sainte-Beuve ne soit faux. Le critique ne sait pas lire pour son plaisir, et n'apprend pas aux autres à lire pour le leur. Il apprend au lecteur à lire en critique. Or, lire en critique n'est pas un plaisir, ou du moins est un plaisir très particulier, mêlé de beaucoup de sécheresse. Sarcelle me disait, vers la fin de sa vie, il est vrai, comme je suis là de lire les livres pour savoir ce que j'en dirai, ce n'est plus lire cela, ce n'est plus s'abandonner, c'est réagir, c'est lire en soi, beaucoup plus que dans l'auteur. Il avait bien un peu raison. À quoi donc sert le critique ? À faire lire l'auteur à un certain point de vue. Son article est une sorte d'introduction à l'auteur dont il s'agit, introduction qui, du reste, peut être fort utile. Selon que le lecteur a lu déjà ou n'a pas lu l'auteur, le critique l'invite à lire dans telle disposition générale, ou à relire ou repenser selon telle orientation nouvelle. Dans le premier cas, il lui dit « Songez à ceci ». Dans le second, « Avez-vous songé à ceci ?» Pour parler comme Bonald, qui voyait tout par trois, et dans chaque triade un médiateur, la lecture se compose de trois personnages. L'auteur, le lecteur, et le critique est le médiateur. Mais, encore une fois, le critique est un homme qui ne sait lire qu'en critique, et qui n'apprend à lire qu'en critique, qui n'enseigne que la lecture critique, dont, du reste, je ne songe à dire aucun mal. Mais voulez-vous lire seulement pour jouir de vos lectures ? Voulez-vous apprendre à lire comme on apprend à jouer du violon, c'est-à-dire pour savoir en jouer et pour prendre le plus grand plaisir possible en jouant ? C'est un tout autre but, c'est un tout autre point de vue, et c'est à cet art seul qu'est consacré le petit livre que je commence. L'art de lire, chapitre 1. Lire lentement. Pour apprendre à lire, il faut d'abord lire très lentement, et ensuite il faut lire très lentement, et toujours jusqu'au dernier livre qui aura l'honneur d'être lu par vous, il faudra lire très lentement. Il faut lire aussi lentement un livre pour en jouir que pour s'instruire par lui ou le critiquer. Flaubert disait « Ah, ces hommes du XVIIe siècle, comme ils savaient le latin, comme ils lisaient lentement !» Même sans dessein d'écrire soi-même, Il faut lire avec lenteur, quoi que ce soit, en se demandant toujours si l'on a bien compris et si l'idée que vous venez de recevoir est bien celle de l'auteur et non la vôtre. Est-ce bien cela ? Doit être la question continuelle que le lecteur se fait à lui-même. Il y a une manie des philologues qui est un peu divertissante, mais qui part du meilleur sentiment du monde, et dont nous devons avoir et conserver comme le principe, comme la racine. Ils se demandent toujours, est-ce bien le texte ? N'y a-t-il pas ergo au lieu de ego, et ex templo au lieu de ex templo ? Cela ferait une différence. Cette manie leur est venue d'une excellente habitude, qui est de lire lentement, qui est de se défier du premier sens qu'ils voient aux choses, qui est de ne pas s'abandonner, qui est de ne pas être paresseux en lisant. On dit que, dans le texte de Pascal, sur le Ciron, voyant le manuscrit, Cousin lisait dans l'enceinte de ce raccourci d'abîme, et il admirait. Il y avait dans l'enceinte de ce raccourci d'atome. Ce qui a un sens. Cousin, entraîné par son enthousiasme romantique, ne s'était pas demandé si raccourci d'abîme en avait un. Il ne faut pas avoir de paresse en lisant, même lyrique, ni de précipitation. La précipitation n'est d'ailleurs qu'une autre forme de la paresse. Nos pères disaient « lire des doigts ». Cela voulait dire « feuilleter », de telle sorte que, tout compte fait, les doigts aient plus de travail que les yeux. Monsieur Bell lisait beaucoup des doigts, c'est-à-dire qu'il parcourait beaucoup plus qu'il ne lisait et qu'il tombait toujours sur l'endroit essentiel et curieux du livre. Il ne faut pas penser trop de mal de cette méthode qui est celle des hommes qui sont, comme Bell, des collectionneurs d'idées. Seulement cette méthode ôte tout le plaisir de la lecture et y substitue celui de la chasse. Si vous voulez être un lecteur dilettante et non un chasseur, c'est le contraire même de cette méthode qui doit être la vôtre. Il ne faut pas du tout lire des doigts, ni lire en diagonale, comme on a dit aussi d'une manière très pittoresque. Il faut lire avec un esprit très attentif et très défiant de la première impression. Vous me direz qu'il y a des livres qui ne peuvent pas être lus lentement, qui ne supportent pas la lecture lente. Il y en a en effet, mais ce sont ceux-là qu'il ne faut pas lire du tout. Premier bienfait de la lecture lente. Elle fait le départ, du premier coup, entre le livre à lire et le livre qui n'est fait que pour n'être pas lu. Lire lentement, c'est le premier principe, et qui s'applique absolument à toute lecture. C'est l'art de lire comme en essence. Y en a-t-il d'autres ? Oui, mais dont aucun ne s'applique à tous les livres indistinctement. En dehors de lire lentement, il n'y a pas un art de lire. Il y a des arts de lire, et très différents, selon les différents ouvrages. Ce sont ces arts de lire que nous allons successivement essayer de démêler.